Joe la douille, viens. Comment ça, Joe la douille, vas-y doucement mon gars, wesh. Eh écoute, tu bois pas du bif moi, là, Joe la douille, ma couille. C'est toi, tu m'as douillé avec ton bédo, wesh. C'est quoi cette grosse merde que tu m'as donné là? Et comment ça, le bédo, tu l'as pris, tu l'as fumé, vas-y, tu l'as goûté. Vas-y. Tu payes. Tu sais que tu m'as baisé, c'est pas grave, t'as vu. Moi je te paye pas, maintenant à partir de là, je te paye pas. Maintenant fais ce que t'as à faire, mon frère. Eh, je suis pas ton frère, moi, sale chien, va. Nique lui sa mère, nique lui sa mère, nique lui sa mère, nique lui sa mère, nique lui sa mère, nique lui sa mère, nique lui sa mère, nique lui sa mère. Ouais, tu connais la chanson, garçon. On veut devenir des gros poissons, prêter l'hameçon de la nation. Attention, les tensions montrent que les temps sont durs et on nous qualifie de fous quand on torture la hue. Je te jure, ici c'est impur et les murs ont des oreilles. La peuche, une nature et la cheville dure, c'est pareil. Comme le cul de Mireille, une merveille qui prend de l'oseille en faisant des pipes au soleil. Hommage à Mireille, ma queue, c'est pour les hargneux. Helium, je suis un de ses haineux, ingénieur avec la Smirnov. Kalashnikov dans la rime, là le crime dans la firme. Victime, prends tes dreams et ta team. Et casse-toi, gars, je représente les tailles. Ah, moi c'est L.I.M. Roya. Fais fumer ta Hiya, puis nique-lui sa mère, nique-lui sa mère. Nick.